Join me on RIC. RIC. Oh, la marche, c'est un contre-jour de l'exo. RIC 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. À toutes et à tous, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 411 sur RIG 90.7. L'album de la semaine, il n'y en a pas. L'album de la semaine, c'est tout simplement à la demande, mais c'est déjà fait, donc n'appelez pas la radio, c'est inutile. Lorsque je vous l'ai proposé samedi, je crois que le lundi c'était déjà rempli. Il y a 31 chansons, 32 chansons, 33 chansons, normal, on est en Gironde, 33 chansons programmées, et comme Eric n'est pas là, eh bien, on va les diffuser en totalité. Vous voulez que je vous donne les 5 premières? Allez, c'est bien parce que c'est vous. D'abord, il y aura Obladi Oblada sur l'album blanc. C'est ma fille, carrément, qui m'a demandé ça en début d'émission. Donc, je lui ai dit, OK, je te diffuse ça parce que c'est toi. Parce qu'après tout, c'est à la demande. Donc, si ma fille me demande un truc, ça peut marcher aussi. Il y aura Out of the Blue de John Lennon sur Mind Games. Ringo Starr, Love Don't Last Long sur Bocups of Blues. On écoutera la démo de Elton John qui nous fait Snookeroo. C'est en 1974, puis la version de Ringo Starr sur l'album Goodnight Vienna en 1974 aussi. Et puis il y aura les Beatles qui nous montreront une version travaillée à l'époque des Beatles de All Things Must Pass sur l'anthologie 3 en 1996. Pour le reste, eh bien, je vous convie à rester là jusqu'à 22h un petit peu passé, puisqu'on va déborder, c'est certain. Et j'espère que tout se passera bien. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Vous allez dans le post qui est en haut. Je le mets toujours en haut à chaque fois. Je vais vérifier d'ailleurs dans quelques secondes, au cas où ce soit pas le cas. Et on parle de cette saga. Vous pouvez mettre des pochettes, vous pouvez faire ce que vous voulez, demander un titre pour la prochaine fois peut-être, ou une idée d'album de la semaine, comme vous voulez. À partir du moment où ça n'enfreint pas les règles de la saga des Fab Four déposée chez un huissier, Maître Dumont, en 1984, et bien si jamais ça n'enfreint pas ces règles, ça passera dans la saga des Fab Four. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Il fait chaud ici. C'est normal, c'est à Bordeaux. La saga va commencer dans quelques secondes avec les Beatles et Obladi Oblada sur RIG. RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. Oh, my God.

just believing it's not always been this great. All things must pass, all things must pass away. Another day, our darkness only stays a nighttime. In the morning, it will fade away. Daylight is good at arriving at the right time. It's not a pass away. All things must pass. All things must pass away. En novembre 1968, une fois achevé son travail sur l'album blanc, George s'envola pour Woodstock et alla passer quelques temps chez Bob Dylan. Il y rencontra des membres du Band, le groupe qui avait longtemps accompagné Dylan et qui venait d'enregistrer son propre album, Music from the Big Pink. Cet album était considéré à l'époque comme une réaction contre les excès du psychédélisme et comme un retour aux sources de la musique américaine. La simplicité du groupe, dans son image extérieure, suggérait un abandon du surréalisme et un retour aux racines de la culture américaine. Leur musique plaisait tout particulièrement aux musiciens confirmés. Elle jouait un rôle dans la dissolution de Cream, par exemple. J'ai entendu les bandes de Music from the Big Pink et je me suis dit que c'était ce que j'avais envie de jouer, avait expliqué Eric Clapton en 1974. Plus de solos interminables, ni toutes ces conneries de maestra, juste de bonnes chansons solides. La chanson de George, All Things Must Pass, qu'il joua durant les séances d'enregistrement des Beatles en janvier 69, puis enregistra seul le 25 février, cherchait à évoquer le sentiment que le Band avait réussi à capturer avec leur 45 tours The Wait. D'ailleurs, lorsque George la joua pour la première fois à John et Paul, il parla avec chaleur et enthousiasme du Band et de sa musique. Les paroles s'inspiraient du livre de Timothy Leary, Psychedelic Prayer, After the Tao Te Ching, excusez-moi, un recueil de prières psychédéliques. Le poème était une traduction d'anglais en langue psychédélique, d'une partie du 23e chapitre du livre du Tao. Si vous comprenez quelque chose, vous me le dites. Malgré les fréquentes demandes de George, cette chanson ne fut considérée ni pour Let It Be, ni pour Abbey Road, mais elle devint la chanson-titre de son premier album solo en décembre 1970. On revient sur George Harrison, avec en 1987 cette superbe chanson, Just For Today, sur RIG. Today, I could try to live through this day only, not deal with all life's problems just for today.

sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean a yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever, Strawberry Fields forever, Strawberry Fields forever. John Lennon dire simplement « I'm very bored » et non pas, comme certains l'ont cru, « I buried Paul » par rapport à 1969 quand certains avaient dit... C'est un DJ de Détroit qui avait dit « Paul McCartney est mort en 1966 et depuis il a été remplacé par un sosie et les Beatles se sont fait plaisir en mettant des indices dans toutes les chansons, dans tous les albums et notamment par exemple Abbey Road, il traverse les pieds nus, c'est la preuve que c'est un sosie, il a la cigarette dans la main droite alors qu'il est gaucher, c'est la preuve que c'est un sosie, sur Magical Mystery Tour, il est à l'envers, il est de l'autre côté, donc c'est la preuve que c'est un sosie, il a pas la même fleur que les autres, c'est la preuve que c'est un sosie. Eh ben non, Paul McCartney était bien vivant et il l'est encore et c'est tant mieux, merci. On va retrouver les deux têtes pensantes des Beatles, même si George Harrison était très bon aussi, vous voyez, j'y viens. Et même si Ringo Starr était indispensable, on l'a bien entendu dans la batterie sur ce morceau-là, on retrouve donc John et Paul, l'un à la suite de l'autre. D'abord John, ensuite Paul. Voici Mind Games en 73 sur l'album du même nom, Mind Games. Et puis Beautiful Night sur Flaming Pie en 1997 avec une petite participation de Ringo Starr. RJ 90.7, c'est la radio des Beatles. Yeah.

If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your feet. Nous sommes en 1966 sur l'album Revolver. Taxman fut composé par George Harrison lorsqu'il s'aperçut que ses revenus étaient imposés au taux maximal, soit 19 shillings et 3 pence par livre sterling, soit 96%. Jusqu'en 1966, le rythme de leur tournée avait été si trépidant qu'ils n'avaient pas eu le temps d'examiner leur comptabilité. Lorsqu'ils se livrèrent enfin à cet exercice, ils découvrirent qu'ils n'avaient pas autant d'argent qu'ils l'avaient imaginé. Presque tout partait en impôts, expliqua George. C'était, et c'est toujours, assez typique. Pourquoi est-ce comme ça? Est-ce qu'on est puni pour quelque chose qu'on aurait oublié de faire? John expliqua plus tard qu'il lui avait donné un coup de main pour l'écriture de Taxman et qu'il avait été franchement contrarié de voir que George ne l'avait pas cité dans le récit qu'il fit de la création de cette chanson dans son autobiographie I Me Mine. D'après John, George lui avait téléphoné alors qu'il était en train d'écrire Taxman. « J'ai changé quelques mots ici et là parce que c'était ce qu'il me demandait », dit-il. « Je ne voulais pas le faire, mais comme je l'adore, je n'ai pas fait de commentaire et j'ai dit ok. » Quoi qu'il en soit, la version finale est nettement meilleure que le premier jet dans lequel les rythmes sont moins riches. « Get some bread » rime avec « Before you're dead » et tout l'humour est absent. Il n'avait pas prévu non plus de citer les noms du premier ministre britannique Harold Wilson et du leader de l'opposition Edward Heath. Ce ne fut ajouté que plus tard lors de l'enregistrement et valut à ces deux hommes la distinction d'avoir été les deux premières personnes vivantes à être citées dans une chanson des Beatles. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson. Remontons le temps, plus proche de nous, en 2015 sur l'album Postcards from Paradise. Voici deux fois Ringo Starr, parce que j'aime bien Ringo Starr, et c'est vous qui avez composé la saga de ce soir. D'abord, Rory and the Hurricanes, et puis on remontera un petit peu en 1992 sur Time Takes Time. Et la chanson All in the Name of Love, c'est sur RIG, c'est la saga des Fab Four à la demande. C'est vous qui avez composé cette saga, mais n'appelez pas, la liste est largement complète. RIG 90.7, c'est la saga des Fab Four, c'est sur les Beatles, tous les mercredis. Get to London. We were sleeping on the floor, living on bread and jam, because we thought we'd hit the big time. We didn't give a damn. so whole was the place you had to go. It's where everyone was me. Down to the Two Eyes Cafe, that's where Tommy Steele would play. To London town, we didn't do much hanging around. I was with you know who. I played the drums like I always do. Quand on aime, on écoute deux fois encore Ringo. Gentle as a dove. Everybody. excellent album de 1992. L'album s'appelle Time Takes Time. Ringo Starr à l'instant sur RIG. Pour la chanson suivante, eh bien, c'est un hommage à Paul McCartney, sorti en 2014. L'album s'appelle The Art of Mike Cartney. Et c'est Billy Joel qui va rendre hommage en chantant la chanson Maybe I'm Amazed. Et j'en profite, tiens, puisqu'il est, il est passé nous dire un petit bonjour tout à l'heure sur le groupe La Saga des Fab Four sur Facebook. Dominique Grandfils, d'ailleurs, qui est aussi un des responsables du Maca Club sur le net, vient de sortir le premier livre en français sur Billy Joel. Ça s'appelle « L'histoire du pianoman ». Ça coûte 30 euros. Vous pouvez l'acheter sur Amazon, sur Fnac et sur chez votre libraire. Pourquoi pas? Parce que j'ai pas d'idée en tête pour en citer un troisième. Mais c'est aux éditions Camion Blanc. Voilà, peut-être sur les éditions Camion Blanc directement. Comme ça, ça fait les trois. Je viens de le commander ce soir parce que j'ai l'intention de le lire. De toute façon, ce livre-là, je suis sûr que c'est passionnant. Donc Billy Joel, avec Maybe I'm Amazed, il reviendra tout à l'heure, même dans pas très très longtemps, pour chanter avec McCartney une chanson. you never knew, dear boy, what you had found. I guess you never knew, dear boy, that she was just the cutest thing around. I guess you never knew what you had found, dear boy. Chef-d'œuvre de Paul McCartney en 1971 sur l'album Ram. Vous voulez encore du très très bon McCartney ? En voici un qui dure 11 minutes 18. C'est vous qui me l'avez demandé sur RIG. Hold me tight, hold me tight. yourself on into the hands of love. Just can't imagine myself falling head over heels in love. But when I saw you last night, I knew for the first time that you were the one I've been dreaming of. I can't get over myself falling into the hands of love. Miracle. Miracle. And baby, I love you so. Miracle. McCartney est un génie pour ça. Quatre extraits de chansons, quatre petites chansons courtes reliées en une seule, Hold Me Tight, Lazy Dynamite, Hands of Love et Power Cut. Et à la fin, tous les extraits mélodiques, toutes les mélodies des quatre chansons sont mises les unes à la suite des autres et ça donne un sens. C'est vraiment très très bien fait. J'adore Paul McCartney, des fois que vous l'ignoreriez. Vous êtes bien sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles, le mercredi entre 20h et 22h, c'est la saga des Fab Four, une émission qui existe depuis 1984, 35 ans déjà, ça nous rajeunit pas. Nous allons remonter le passé, justement, très très loin, plus loin que je ne l'ai fait jusqu'à présent, puisque nous allons parler de My Bonnie, qui est sur l'anthologie numéro 1, c'est Tony Sheridan qui la chante, et il me semble que c'est Paul qui en parle un tout petit peu, je crois que c'est lui. And we made a recording with him called My Bonnie, which got to number 5 in the German hit parade, but it didn't do a thing over here. My Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. I'll do anything for you. Ça gratouille parce que c'est très très vieux, les débuts des Beatles. D'ailleurs, laissons Paul McCartney re-expliquer ça en 2004. The very first song the Beatles ever recorded. Actually, this was pre-Beatles. This was John, George and myself and a couple other guys, a pianist called Duff and Colin, the drummer. And we went down to a little studio in Kensington in Liverpool. And we paid £1 each to make this little shellac recording. And the idea was that we'd keep it, each of us, for a week. So I had it for a week, John had it for a week, George had it for a week, and Duff had it for 23 years. Anyway, this is the song that we recorded then. And there actually is a little bit in it for you. And seeing as you're such a bright, lively looking audience, I'm sure you'd love to sing along. Your bit goes, whoa, okay? In spite of all the danger, in spite of all that may be, heartache you may cause me. In spite of all the danger, in spite of all that may be, oh, I'll do anything for you, anything you want me to, if you'll be true to me. I'll do anything for you, anything you want me to, if you'll be true to me. Chanson de George Harrison, Dark Sweet Lady, en 1979 sur l'album George Harrison. Thank you. côté romantique de George Harrison sur RIG. En principe, il nous reste 25 minutes. Or, je vois programmer quelque chose comme 43 minutes de chansons. Donc, nous allons aller jusqu'au bout de la playlist avec, pour l'instant, deux Paul McCartney, un de 1978, un de 1976. Tout d'abord, I Am Carrying sur London Town, puis Sang Farian, ça fait rien. J'ai mis très longtemps à comprendre que c'était un anglicisme voulu qui se rapproche de la sonorité française, Sang Farian. C'est extrait de l'album Wings at the Speed of Sound sur RIG. By dawn's first light, I'll come back to your room again. I'm carrying something. I'm carrying something for you. A long time no see, baby. You've got a lot, and from what you've got, I'd say you're doing well, dear. Dressed like a dream, and if things are what they seem, you're looking swell, dear. Vous êtes prêts pour un chef-d'œuvre ? On y va, 1967, l'album Magical Mystery Tour et ça. Sur Facebook, 4 ans entre She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah et All You Need Is Love. Incroyable musique des années 60. Quelle évolution. Hey Bulldog, nous sommes en 1969. Les Beatles sur RG. Sheepdog, standing in the rain. Bullfrog, doing it again. Some kind of happiness is measured out in miles. What makes you think you're something special when you smile? Childlike, no one understands. Jackknife in your sweaty hands. Some kind of innocence is measured out in years. You don't know what it's like to listen to your fears. You can talk. Talk to me if you're lonely, you can talk to me.

chanté après, hein, mais bon, c'est ça, ce cœur sur la main de Paul McCartney qui aime toujours faire de belles mélodies, que nous soyons en 1960 et quelques, ou en 2001 sur l'album Drive in Rain, ou en 2019, on va dire 2018, le dernier album actuel, Egypt Station. Je vais passer à côté son dernier truc de 2019 avec l'autotune. Il s'amuse, qu'est-ce que vous voulez, il faut lui pardonner. Allez, on revient en 1975 avec Ain't That a Shame, John Lennon Rock'n'Roll. Il y aura un autre Rock'n'Roll. Vous savez, je vous ai dit que Billy Joel inviterait Paul McCartney pour chanter une de ses chansons. Eh bien, ce sera juste après Ain't That a Shame. Thank you.

superbe hommage à son pote George Harrison par Ringo Starr en 2003 sur l'album Ringo Rama. Vous reprendrez bien un petit peu de Ringo Starr avec George Harrison dans les au niveau de la guitare. C'était en 1998 sur l'album Vertical Man. Voici King of Broken Hearts sur RIG. RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. With someone that I can love, I just don't know where to start. I'm the king of broken hearts. I was waiting for the bells to ring. Lingering, praying that she'd wear my ring, waiting for the crowd to sing. I'm the king of broken hearts. I've lost before I ever start to love. Before she just walked right out the door. I want her back and nothing more. Some people live but never live. I can make a brand new start, living in a land of broken hearts. Yeah, I'm the king of broken hearts. I've lost before. chanson suivante aurait dû faire partie du anthologie numéro 3, mais George Harrison s'y est opposé. On pense que l'une des fuites pourrait venir de Paul McCartney lui-même ou de l'équipe de Paul. Voici Now and Then sur RG. Get back to where you once belonged. aujourd'hui, il y a 17 ans, mon père disparaissait. Alors aujourd'hui, papa, tu es là puisque tu es dans mon émission. And if I said I really knew you well, what would your answer be? Song. En fait, j'ai rajouté Here Today il y a quelques... Enfin, au début de l'émission, à cette place. Donc, les deux chansons ensemble, c'est un peu lourd. On va donc terminer sur une note de joie, une note de gaieté qui dure 10 minutes quand même. C'est l'entrée du concert de Wings Over America. Et après, ce sera tout. Il y aura le générique. Venus and Mars Rock Show Jet par le maître Paul McCartney sur RIG. We'll be right back. Pour qu'on continue jusqu'à 23h, minuit, 1h, 2h, 3h, 5h du matin. Mais c'est pas possible. Donc je vous souhaite une très bonne nuit. La semaine prochaine, Eric sera là, il l'a promis. Et moi je vous dis à la prochaine fois pour d'autres aventures. C'était Thierry Gallet en direct de Blanquefort pour la saga des Fab Four numéro combien déjà ? 411 sur RIG 90.7, qui est décidément le mercredi la radio des Beatles. À très bientôt, bisous filles, prenez une main garçon, ciao.